Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Le monde à Allah, il a fait obligation aux parents de bien éduquer leurs enfants. Et qui a fait des enfants, des petits-enfants, des épouses, des petits frères et sœurs, un dépôt parmi d'autres dépôts entre les mains de leurs tuteurs. Les tuteurs rendront compte au sujet de ce dépôt le jour du jugement dernier, de la même façon qu'ils seront interrogés sur les obligations et sur les interdits et déficits. Quand l'être humain meurt, toutes ses actions prennent fin, sauf dans trois situations. Une aumône courante, c'est-à-dire quelqu'un qui construit une mosquée par exemple, un savoir qui lui sera bénéfique, quelqu'un qui va laisser une œuvre scientifique qui lui survivra, ou, et c'est la troisième situation, une bonne descendance qui prie pour lui après sa mort. Allah le Très-Haut a dit, les richesses et les enfants sont la beauté éphémère de la vie. Les bonnes œuvres, elles, sont éternelles. Et nous le louons et implorons son pardon pour nos péchés. Il est le bienheureux qui pardonne. Nous lui demandons guérison et bonne santé, richesse et enfants, et le paradis après la mort. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah unique et sans associé. Il a le règne et les louanges. Et nous témoignons de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur et messager qui appelle à Allah secrètement et à la foi. Notre prophète à qui il a été révélé. Ô croyants, protégez-vous et rejoignez vos familles du feu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'enfant est parmi les biens du père. Malheureusement, les richesses et les enfants causent la perte de certains. Nous implorons la prière d'Allah et son salut sur le prophète, ses compagnons et tous ceux qui ont suivi son exemple. Serviteur d'Allah, celui à qui Allah a donné richesse et enfants, il lui a donné un bien immense. S'il est reconnaissant et remercie Allah, il lui en rajoutera. Celui qui dépense les biens d'Allah dans les mauvaises actions, il les lui enlèvera. Dans sa sagesse, Allah donne des garçons ou des filles, ou les deux à qui il veut, et fait stérile qui il veut. Celui qui éduque bien ses enfants, il est reconnaissant à Allah pour ce don. Il mérite d'avoir davantage d'enfants. Demandez à Allah sa grâce. Et quelle grande grâce après l'islam, si ce n'est qu'Allah bénisse vos enfants, filles et garçons. Toi, le musulman, tu as un devoir à l'égard d'Allah. Et tu ne t'en acquitteras qu'en t'accrochant à ta religion. Tu lui dois vénération et adoration, et ne rien lui associer. Il est unique. Tu dois appliquer ses recommandations s'agissant de la famille et des enfants, que tu ne dois pas laisser devenir un problème pour les autres et pour la société. Tu ne dois pas laisser tes enfants avoir de mauvaises fréquentations. Tu n'as pas le droit de négliger leur éducation et les laisser à la merci de Satan, Shaitan. Tu leur dois éducation, scolarisation et apprentissage. Tu dois les nourrir avec du licite, du halal, que tu as évité, que tu as gagné à la sueur de ton front. Ne leur apprends pas ce qui est superficiel dans la vie. Ne les laisse pas dans l'ignorance de la religion et ses obligations. Ne les laisse pas se corrompre et s'habituer à l'illicite. Ils sont sous ta tutelle, tu es responsable devant Allah de leur éducation, tu en rends pas compte. Tout ce qui intéresse certains, malheureusement, concernant leurs enfants, c'est qu'ils aient une bonne carrière, une bonne situation professionnelle, qu'ils gagnent beaucoup d'argent, et peu importe le métier qu'ils exercent. Ils ne s'inquiètent pas de savoir comment leurs enfants gagnent cet argent. Jadis, la chez Zara, nourris bien ton enfant, éduque-le bien, donne-lui une morale plutôt que de l'or. Les enfants héritent des comportements et d'éducation de leurs parents. Alors sois comme tu veux que tes enfants seront. C'est l'enfant qui suit l'exemple de son père. L'enfant est le reflet de son père. Choisissez les mères qui porteront vos enfants pour construire une famille saine et honorable. La maman est la première école de l'enfant. C'est elle qui lui prodigue la bonne ou la mauvaise éducation. Malheureusement, il y a de plus en plus de mauvaise éducation chez beaucoup de gens, chez beaucoup de musulmans. Le père entend de mauvaises choses de la bouche de son fils. Il le voit dévié et mal tourné sans pouvoir le lui reprocher. Les parents sont devenus impuissants, surtout dans ce pays, devant la tournure que prend l'éducation de leurs enfants. Parfois, les parents ne se rendent même pas compte de la mauvaise éducation de leurs enfants. Ils les voient sortir le matin et rentrer le soir. Ils ne savent même pas qui ils étaient et ce qu'ils ont fait de leur journée. Peut-on vivre comme des animaux? Ils ne pensaient qu'à manger, boire et s'habiller. Notre descendance perd les valeurs que nos ancêtres nous ont léguées. Nous préférons les coutumes des autres à celles de nos ancêtres. Les coutumes des autres ont des savoirs en médecine, en science, en éducation et rien d'autre. Les hommes sont devenus faibles et par Allah, la responsabilité des enfants revient au père et aux mères. Car l'enfant, à sa naissance, il est à l'état de nature. Ses parents font de lui ce qu'ils veulent par l'éducation qu'ils lui donnent. Un enfant ne n'est pas voyou, il le devient faute de bonne éducation. Ce sont les parents qui font de leurs enfants un juif, un chrétien ou un athée sans religion. Le pire qui puisse arriver à un petit enfant, c'est le silence de son éducateur sur ses mauvais gestes et sa grossièreté de langage. C'est lui donner tout ce qu'il veut et le laisser se noyer dans les jeux. C'est le préférer à ses frères et sœurs. C'est aussi le laisser avoir de mauvaises fréquentations. Tous les enfants peuvent être bien élevés, car à leur naissance, les enfants sont comme une page blanche sur laquelle l'éducateur, c'est-à-dire le père ou la mère, peut écrire ce qu'il veut. Nous nous remettons à voir de ce qu'il a dit. Et il les a remplacés par une descendance qui a perdu la prière et celui qui les désire. Alors pourquoi nos enfants pensent que la religion est incompatible avec la politique, avec les affaires sociales et celles de la vie? Pourquoi ont-ils un penchant pour la permissivité et imitent les autres en tout et mal? Alcool, coiffure, vêtements décents, pantalons tombants qui ne cachent presque rien. Tout cela est juste. La jeunesse ignorante le considère comme modernité. Et celui qui ne suit pas cette mode est considéré comme un arriéré. Nous aimons nos enfants. Nous voulons leur bien. Nous dépensons beaucoup pour leurs études. Nous les envoyons à l'école et à l'université. Malheureusement, rares sont ceux qui réussissent. Et certains parmi eux tournent le doigt à la religion et aux valeurs qui sont les nôtres. Ils deviennent une malédiction pour le pays, pour la famille, pour la société. Ils sont nôtres des autres et des âmes. Leur façon d'être, de marcher avec orgueil et de se comporter montre leur profonde ignorance. Cela, il n'y a rien à espérer d'eux, même s'ils sont issus de familles honorables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui celui qui fait avec sanctification a une non moindre récompense. Là également dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a élevé trois filles, les a bien éduquées, les a mariées, les a bien traitées, ira au paradis. Et il a encore dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui élève un petit jusqu'à ce qu'il dise il n'y a de Dieu qu'Allah, Allah ne lui donnera pas le compte. Et dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, craignez Allah et soyez juste avec vos enfants. Lorsqu'il croisait des enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les saluait. Le but était de leur donner l'exemple et ça procédait de la bonne éducation. Il prenait des bébés dans ses bras même quand il priait. Et à propos de la prière et des enfants, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, recommandez la prière à vos enfants à 7 ans et frappez-les à 10 ans s'ils l'abandonnent. والصلاة والسلام على خير خلق الله سبحانه وتعالى.